2B. De cette liste, la Chine est de loin le pays le plus peuplé avec 1 314 millions d'habitants. L'Inde la suit avec 1 166 millions d'habitants. Loin, très loin derrière, nous trouvons les États-Unis. Les Américains sont 308 745 000. Après, nous avons les Nigériens, qui sont 148 millions. Ensuite, c'est l'Allemagne, avec 82 604 000. Puis vient l'Italie, avec 60 340 000. Les Polonais sont, quant à eux, 38 450 000, soit 4 millions de plus que les Canadiens, qui sont 34 millions. Le Maroc a un peu moins d'habitants que le Canada. 31 800 000. Les suivants de cette liste sont d'abord les Belges, avec 10 800 000 habitants, la Tunisie et ses 10 millions d'habitants, et enfin, en toute dernière position, la Suisse, qui en compte 7 725 000.